إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va terminer aujourd'hui inchallah donc le premier pilier de l'islam. Il y a une faïda ici que je voulais qu'on mentionne, qui est celle de du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, un grand savant de la sunna. Et donc il dit, le Cheikh, hafidhullah, shahadat anna Muhammadan rasulullah. Awalan, tasdiquhu sallallahu alayhi wa sallam fima akhbar. Donc il va en fait reprendre là les points que Yassine il avait mentionnés. D'accord ? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va donner des bénéfices en plus. تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. Parce qu'on dit يشهد أن محمد رسول الله, c'est pas juste on dit oui on reconnaît que Mohammed c'est le prophète et envoyé d'Allah. On avait dit que ça c'est pas suffisant ça. Quel exemple on avait donné? Quel exemple on avait donné? Ah c'était l'exemple il me semble de صلى الله عليه وسلم qui a fait un rappel à des juifs je crois. بارك الله فيك. Exactement, oui. Des juifs sont venus lui poser une question que seul un prophète peut répondre. Et donc, une fois qu'ils lui ont posé toutes les questions, et il a répondu à toutes les questions, les Juifs, ils lui ont dit, « Innana nashhadu innaka la nabi, nous témoignons que tu es un prophète. » Cependant, ils sont restés des kofars, des mécréants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, croire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète, ça ne fait pas d'un individu qui devient musulman. D'accord ? C'est comme celui qui croit que Allah c'est le créateur. Ça ne veut pas de lui qu'il devient musulman. Ou bien dès qu'on entend des kofars, ils disent Inch'Allah. C'est pas parce qu'ils disent Inch'Allah qu'ils deviennent des musulmans. Ou bien ils disent oh, salam alaikum. Il y en a plein. Ils doivent passer dire salam alaikum. Comme ça. Mais ça ne fait pas de musulmans. D'accord ? Donc ce qu'il y a, c'est qu'on doit comprendre que la croyance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam implique ces cinq points-là que tu avais mentionné. Tout d'abord, il mentionne tasdiquhu sallallahu alayhi wa sallam fima akhbar. On doit croire en tout ce qu'il a informé. Bihaythu la yakun 'inda al-insan taraddud fima akhbara bihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que l'individu, lorsqu'il entend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sahih, hein, authentique, eh bien, il ne doit pas avoir en fait une certaine répulsion ou bien le fait de vouloir le rejeter. Il ne doit pas avoir ça. Il ne doit pas avoir aucune répulsion ni hésitant à accepter. Le prophète, il l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit donc de rendre véridique ce qu'il a dit, c'est-à-dire on y croit. C'est ça, le musulman, il y croit. Le prophète, il l'a dit, ça y est, c'est vrai. D'accord ? Ça, c'est le... Ça, c'est le premier point qu'il mentionne. L'individu, donc, ne doit pas avoir une quelconque répulsion. « بَلْ يَكُونْ فِي قَلْبِهِ أَشَدْ مِمَّا نَطَقَى كما قال الله عز وجل في القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Donc, lorsqu'il entend une information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il doit y croire sans rejeter quoi que ce soit ou sans avoir une quelconque répulsion. Et ça doit être dans son cœur. Il y a une vérité comme le fait que lui, tu vois, comment qu'on parle, on prononce, on s'entend parler. C'est vrai là, c'est pas, je m'entends parler, c'est vrai. Et bien l'information qu'il entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit y croire que c'est véridique comme il croit que lorsqu'il est en train de parler, là il s'entend. D'accord ? Comme Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, c'est « Innahu la haqqun » il est en toute vérité « Mithla ma annakum tantiqun » comme vous, yani, parlez et prononcez. D'accord ? Dans Surat al-Dhariyat, verset 23. فَالْإِنسَانْ لَا يَشُكُّ فِي مَا يَنْتِقُ بِهِ L'individu donc ne doute pas sur ce qu'il prononce. D'accord ? كذلك ما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نشك فيه. Eh bien, dans ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, a prononcé, nous ne doutons pas dessus. ونعلم أنه الحق. Et on a cette croyance-là, on sait que c'est la vérité. Ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, c'est la vérité. D'accord ? لكن بيننا وبينه مفاوز وهو السند. Mais entre nous et le prophète صلى الله عليه وسلم, il y a une très longue distance. D'accord ? Mais qu'est-ce qui nous relie au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? La chaîne de transmission. Hein ? La chaîne de transmission. Et ça, c'est unique en islam. Unique en islam. La chaîne de transmission d'un tel, qui a pris d'un tel. Et dans le ilm du hadith, dans la science du hadith, barakallahu fikum, yani cette chaîne de transmission-là, qui est unique en islam, on sait la biographie de tous les hommes dans cette chaîne de transmission. Qui ils sont, le fils de qui, de un tel, comment il était, est-ce que, subhanallah, vous avez même les degrés au niveau de Al-Dhahabi ou Ibn Hajar, yani, est-ce qu'un tel est quelqu'un de fiable, ou quelqu'un qui est inconnu, ou quelqu'un qui est fiable, mais ce qu'il y a, c'est que il a des oublis, par exemple quelqu'un qui est vieux, il est connu pour avoir des oublis, d'accord ? Ou quelqu'un qui est délaissé, ou quelqu'un... Vous voyez ? Et ça, c'est spécifique en islam. La chaîne de transmission, que vous ne trouvez pas. Hein. Comme vous voyez dans la Bible, t'as les kuffar. Eux, ce qu'ils ont, c'est que c'est... eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont... Paul. Paul qui ? C'est même pas. Ni nom de famille, ni rien du tout. C'est comme je vous disais, je vous donne un chèque avec juste mon prénom. Il n'y a aucune banque qui va accepter ça. Hein. Donc ils vont dire, mais il est qui ? Ok, Karim, mais qui ? D'accord ? Marc ? On ne sait pas qui, Marc. Mais si, Marc. Marc qui ? Ouais, Marc, bon. Il peut y en avoir 3 milliards de marques, mais... D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est spécifique. Donc qu'est-ce qui nous relie au prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Eh bien, c'est le sanad, la chaîne de transmission. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas devant nous. لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en face de nous. D'accord ? Et lorsqu'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'accord ? Eh bien c'est lorsque le hadith a été confirmé qu'il est authentique. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette erreur-là, hein. Vous voyez, lorsqu'il y a un hadith qui est faible, il n'est pas correct de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et après, vous marquez hadith faible. Mais ce qui est correct, c'est de dire il a été rapporté, hein, ceci, hein, mais le hadith est faible. D'accord ? Lorsqu'on sait que le hadith est faible, hein, il n'est pas permis de dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et on ne dit le hadith yani que si on le connaît. Parce qu'il n'est pas permis d'inventer des choses en disant que... Mais le prophète, il l'a dit. Et le mettre comme ça, dans la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ila an-nar. Quiconque ment sur moi délibérément, qu'il prépare sa place en enfer. » A'oudou billah. Oui. Je vous avais déjà mentionné un hadith qui était inventé, et dont des égarés innovateurs de soufis, yala, et ils ont dit en dessous que c'était Sahih al-Bukhari. D'accord ? Alors que c'est. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont pris le Sened, la chaîne de transmission d'un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, mais ils ont pris l'agencement de mots qui est d'un hadith inventé. Ils ont mis les deux, et en dessous, ils mettent Sahih al-Bukhari. Et c'est copié-collé dans les forums, sur Internet. Et dernièrement, il y a un frère, il m'envoie un hadith qui me semblait bizarre, c'était marqué Sahih al-Bukhari. Et tu reconnais hein, des hadiths qui sont faibles, où il y a des... parce que lorsqu'il y a un excès dans telle ou telle chose, ou... notamment, et ça m'a semblé un peu bizarre. Mais bon, mais s'il s'avère que c'est vraiment un hadith qui est authentique, donc tu ne peux pas dire non, c'est faux dès le départ. Donc je lui demande, peux-tu s'il te plaît m'envoyer donc dans quel chapitre dans Sahih al-Bukhari est mentionné ce hadith ? Et sinon, dans quel numéro, si c'est plus précis? Pour qu'on vérifie. D'accord? Parce qu'il y avait un truc qui me semblait un peu bizarre. Et après, il s'avérait qu'il m'envoie un message en me disant, en fait, non, ce hadith, il est inventé. Et puis, voilà, il a été mis en garde et tout cela. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, tout ce qui est authentifié du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça a été authentifié et c'est clair. C'est dans le celle-ci, la sahiha, de lui-même l'Albani, rahimallah, par exemple, ou bien dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Tout ce qui est authentique, sahih, est reconnu comme étant authentique, on le croit véridique et on ne le repousse pas, ou bien on ne l'ignore pas ou quoi que ce soit, d'accord? Donc on dit, fal insan la yashuk fi ma yantiqu bih, kadhalika ma yantiqu bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la nashukku fih, wa na'lam annahu al-haq. لكن بيننا وبينه مفاوز وهو السند. Donc on en avait dit, donc entre nous et le prophète n'est pas devant nous, entre nous et lui c'est la chaîne de transmission, d'accord? Donc lorsque c'est authentique, on l'accepte et on commence pas à dire ouais mais non mais en fait je sais pas quoi et un tel a dit. Le prophète a dit le hadith est authentique, ça y est, c'est terminé. On se soumet à Allah Azza wa Jalla. Parce que ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation d'Allah azza wa jal, comme tu as mentionné dans sourate Al-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce qu'il dit est une révélation inspirée d'Allah azza wa jal, dans la traduction du sens du verset. Donc on ne doute pas dessus. Qu'est-ce qui est entre nous? La chaîne de transmission. D'accord? Donc laysa amamana lakin idha thabata al-hadith 'an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, si le hadith est confirmé que c'est authentique, il est obligatoire pour nous d'y croire. Donc que l'on connaisse ce que ça veut dire le hadith. Par exemple, tu vois, il y a un frère, mathalan, il te dit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'avère que ce hadith-là est authentique. Yani, c'est clair, c'est authentique, d'accord ? Que tu comprennes ce que ça veut dire ou que tu ne comprennes pas le hadith, tu crois. Tu dois croire. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est authentique. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, ceci, ceci, ceci. Eh bien, tu crois, que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Tu crois. Tu vois, c'est pas tu le rejettes et après tu dis, attends, il faut que ma tête, mon cerveau, attention. Tu vois. Non, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'y crois. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, eh bien, on va questionner les savants pour comprendre. D'accord, ce que ça veut dire. Mais c'est pas on rejette et puis on met un laps de temps. Attends, je le mets en stand-by pour essayer de comprendre. Non, c'est on y croit et après on fait des recherches. Qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, on doit y croire. D'accord? Ahyanan ta'ti ahadith na'rifu al-ma'na, lakin la na'rifu wajhaha. Fal-wajib 'alayna at-tasdiq. Donc parfois il y a des ahadith où est-ce que on comprend son sens mais on ne comprend pas Yani ce qui est apparent. Et bien ce qu'il y a, c'est qu'on doit y croire. On ne doit pas commencer à... D'accord ? Le hadith est authentique, on y croit, pour résumer. Al-thani, deuxième point. Imtithal amrahu, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on se doit d'obéir à son ordre, à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa la nataraddad fihi li qawlillahi ta'ala wa ma kana li mu'minin. ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. Un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, on ne doit pas avoir de la répulsion ou bien douter dessus ou quoi que ce soit. Il est obligatoire d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est dans sourate Al-Ahzab, verset 36. Verset 36. Ça, c'est un verset qui est important sur le Al-Ahzab, verset 36. D'accord ? Sur le Al-Ahzab, verset 36. Dans la traduction du sens du verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son envoyé ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Le verset, il est clair, là. Verset 36. C'est-à-dire que taqra al-Qur'an, là, tu lis le Qur'an. Verset 36, vous pouvez le noter, hein. L'Ahzab, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante Une fois qu'Allah et son envoyé ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est-à-dire que un frère, il ramène un hadith concernant telle ou telle chose. Le prophète sallam a dit cela. Ça y est, t'as entendu? Tu te soumets à Allah Azza wa Jal. Tu peux pas dire, mais non, attends, je comprends pas. Mathalan, Allah al-Musta'an, qu'Allah les guide et nous guide, on l'entend beaucoup, ça écrit. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Je suis faible, je suis pas encore prêt, je suis faible, je suis pas encore prêt. C'est pas une excuse, ça, auprès d'Allah Azza wa Jal. Le jour de la résurrection, tu pourras pas dire, je suis faible, je suis pas encore prêt. Allah Azza wa Jal, regarde, Allah Azza wa Jal, il dit, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose pas à une âme excepté ce qu'elle peut supporter. Ça veut dire que si Allah Azza wa Jal a révélé quelque chose dans les actes obligatoires ou surérogatoires ou a interdit des choses, c'est que on peut le supporter parce qu'Allah n'impose pas à une âme excepté ce qu'elle peut supporter. Donc s'il a légiféré les 5 prières, c'est qu'on peut le faire. Il ne peut pas dire, non, attends, je travaille. Subhanallah, mais Allah Azza wa Jal savait très bien que les gens allaient travailler et qu'ils avaient. Mais les 5 prières, elles sont obligatoires et dans leur temps. Ou bien, peu importe des tout ce qui concerne la religion. Yani Wahd, il ne peut pas dire. Donc ce qu'il y a, c'est que. Mais il invoque Allah Azza wa Jal de lui faciliter, de lui montrer la vérité comme étant la vérité et qu'il l'accepte. Parce que ça aussi, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Parce que l'individu, il sait où est la vérité, il sait que c'est là, c'est clair. Comme le soleil, en plein printemps, hein, subhanallah, est-ce que le ciel, il est bleu. Tu vois, le soleil, il est là, c'est clair. Tu vois la vérité, elle est claire, elle est là. Mais ce qu'il y a, c'est que l'individu, eh bien, subhanallah, il sait que c'est le haq, mais il n'y va pas, il ne le suit pas, il ne l'applique pas. Et il se met en danger parce qu'on peut vivre sur l'espoir de vivre longtemps, mais Allah a'alam combien de temps on va vivre. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Donc c'est pour cela que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné une chose, il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Une fois qu'Allah et son envoyé ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc j'aime bien moi les frères qui sont comme ça, ils lisent le Coran. Et ensuite, ils prennent le Coran et ils l'embrassent et sur leur front et que je le mets là. Subhanallah. Alors qu'ils refusent d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Donc, ça c'est le deuxième point. Donc, on doit obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas avoir de... Et ce que tu viens de mentionner, Bekran, ça... C'est ce que va dire d'ailleurs le cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin, rahimahullah. Donc on ne doit pas en fait avoir de répulsion sur quoi que ce soit lorsqu'il y a un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa li hadha aqul min al-khata an ba'dahum idha ja'ahu al-amr min Allah wa rasulihi bada yatasa'al fa yaqul hal al-amr lil-wujub aw lil-istihbab. Donc il dit, le cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymin, Hafidhullah, il dit, je dis qu'il y a parmi les erreurs, il y a parmi certaines personnes, que lorsque il y a un ordre qui vient d'Allah ou de son envoyé, il commence à questionner en disant, mais est-ce que c'est obligatoire ou surérogatoire? Donc il y a un ordre qui vient d'Allah et de son envoyé, et ça c'est une erreur que beaucoup font, il commence à maintenant rentrer dans est-ce que c'est obligatoire ou surérogatoire. Kama yaqulu kathir min an-nas al-yawm, comme le dit énormément de gens aujourd'hui. Wa hadha as-su'al yajib tarhuhu wa an la yurad. Li'anna as-sahaba radiyallahu anhum kanu idha amarahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لم يكونوا يقولون يا رسول الله هل الأمر للوجوب أو الأمر للاستحباب أو غير ذلك. Donc il dit, ce genre de question, il n'est pas correct de le poser. Il y a un ordre qui vient d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, Ça y est. Mais tu commences pas à poser la question, oui mais attends, est-ce que c'est obligatoire ou surérogatoire? Et ça c'est une erreur que beaucoup font parmi les gens. L'autre point, c'est qu'il dit, regardez les sahabas. Il dit pourquoi en fait cette question-là n'est pas correcte d'être posée. Il dit parce que les sahabas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ordonnait d'une chose, ils ne se mettaient pas à dire « Oh envoyé d'Allah, est-ce que ce que tu nous as ordonné, est-ce que c'est obligatoire ou surérogatoire ?» ou bien autre que ça. « Bal kanu yamtathiluna wa yusaddiquna bidun an yas'alu » Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils croyaient et ils appliquaient sans commencer à questionner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a ordonné, ça y est. Tu ne poses pas de questions. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il l'a dit, ça y est. Ils appliquaient sans commencer à questionner. D'accord ? Vous voyez ? Donc si on dit qu'on aime les sahaba, oui, on aime les sahaba, on veut suivre les sahaba, et bien voilà, ben il faut qu'on commence à être comme eux. Dans le fait que lorsque une parole d'Allah Azza wa Jalla inversée ou un hadith authentique nous parvient, qui nous ordonne ceci ou cela, ça y est, on y croit et on l'applique. Sami'na wa ata'na. On a entendu et on obéit. D'accord ? Naqul la tas'al wa 'alayka bil imtithal. Donc on dit, Cheikh dit, rahimahullah, il dit, ne commence pas à questionner est-ce que c'est surrogatoire ou obligatoire. Mais on se doit d'appliquer. Anta tashhad anna Muhammadan rasulullah, faf'al ma amaraka bih. Toi tu témoignes que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'envoyé d'Allah. Alors applique. Alors applique ce qu'il t'a ordonné. وفي حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغير الوجوب لأنه إذا كان الوجوب وجب عليه أن يتوب منه لأنه خالف وإذا كان لغير الوجوب فأمره سهل. Donc il dit, mais dans le cas où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, il se retrouve dans un cas et que il agit, il fait quelque chose, mais ça lui parvient en fait que ce qu'il fait est en opposition avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Eh bien là, il a le droit de questionner et de demander, est-ce que ce qu'il est en train de faire là, il est en opposition là, d'accord ? S'il s'avère que c'est un ordre de faire telle et telle chose, eh bien, il se repent et il se met à agir. Mais si ce n'est pas obligatoire, donc, alhamdoulilah, donc il n'a pas, d'accord ? Ce n'est pas là, l'individu, il reçoit une information, ou est-ce que, eh bien, regarde, Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, et l'individu, il commence à dire, oh, mais attends, est-ce que c'est, d'accord ? Laissez la barre. Alors là, la question, oh mais attends, surérogatoire, obligatoire, surérogatoire, obligatoire, subhanallah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la barre. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné en plus. En plus, quand il y a certaines personnes qui laissent la barre, moi j'ai entendu un frère qui est venu me parler, il y a certaines personnes qui lui disent, ouais, tu crois que parce que t'as une barre, t'es plus croyant que moi, et du coup, ils se moquent de lui, les musulmans. Ouais, mais bon, ça c'est l'ignorance, Allah al-Musta'an. Parce que les gens, ils croient, ah ça y est, là, il s'est poussé à la barbe, ça y est, c'est le mufti aujourd'hui. On entend beaucoup ce truc-là. C'est vrai, subhanallah. Et il s'est poussé là-bas, ça y est, il est devenu mufti. Il a mis le qamis, il s'est poussé, ça y est, c'est devenu. Encore, subhanallah. Mais non, mais le prophète, il l'a dit. J'applique. Je dis, je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je témoigne que le prophète Muhammad. Il n'y a pas de problème, Muhammad Baraklofi. Je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Le serviteur d'Allah, le dernier prophète est envoyé d'Allah. Je le témoigne. Et avec la définition, les 5 points comme on avait vu. Ça y est, tu le témoignes, applique. Mais c'est pas, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissez pousser la barbe et taillez vos moustaches. D'ailleurs, on sait tailler, on ne les rase pas. Ah, c'est les khawarij qui se les rasent, ça, les moustaches. Qui se tondent la tête, qui se rasent les moustaches. Ça, c'est parmi les attributs des khawarij. Mais ce qu'il y a, laissez pousser la barbe et tailler. Tu les tailles, il ne faut pas que ça descende. Tu vois, comme les juifs et de ça, là, et puis les sikhs. Vous savez, les sikhs, ceux qui sont interdits de toucher un poil des cheveux ou bien tous les poils, même les poils sous les aisselles, ça, ils doivent tout laisser, tu vois. Et donc, ils mettent, c'est pour ça qu'ils ont leur bandeau, parce qu'ils font des nœuds avec leurs cheveux, qui sont longs. Ils sont interdits de les couper. Eux, ils laissent tout, donc les cheveux moustaches qui tombent comme ça. Nous, on entend le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, différenciez-vous des juifs et des nasara. Hein? Taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Et dans une autre version, eh bien, différenciez-vous des juifs, des chrétiens et des adorateurs du feu. Voilà, des polythéistes. Taillez vos moustaches et laissez pousser votre barbe. Donc si quelqu'un vient et dit, ouais, mais maintenant c'est la mode. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien là, on lui dit, eh bien, alhamdoulilah, qu'ils reviennent à leur état naturel. Mais parce qu'ils reviennent à leur état naturel, on ne va pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam en se rasant la barbe. C'est comme si là maintenant ils commencent à prier. Est-ce qu'on doit laisser la prière? Oui, voilà. Ou il se met. D'accord. En plus, subhanallah, ils laissent leur vêtements. Ils mettent leurs vêtements au-dessus des chevilles et ils laissent pousser leur barbe. Donc, c'est une mode. Maintenant, si l'individu il fait ça avec l'intention de la mode, il n'est pas récompensé, mais. D'accord ? Il tombe dans quiconque imite un peuple fait partie d'eux. Toi, t'as niya, tu vois. Il n'a mal armel ben niyat, les actes ne valent que par leur intention. Donc, toi, le hadith, laissez pousser vos barbes et diminuer et taillez vos moustaches, toi, tu le fais avec ton intention d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, obéir à l'ordre d'Allah. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque deux des envoyés de Kisra, l'empire perse, qu'ils avaient envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils se rasaient leur barbe et ils laissaient leur moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Il les a vus venir comme ça, là. Il a détourné sa tête. Il a dit, mais retournez, quoi. Partez d'où vous venez. Après, il les rappelle, il dit, qui vous a ordonné de faire ça? Ils ont répondu, Rabbuna Kisra, notre Seigneur Kisra. Leur empereur, quoi, Kisra. Et qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris sa barbe et il a dit, eh bien, mon Seigneur m'a ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler mon moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah lui a ordonné. Donc lorsqu'on lit le hadith là, on ne doit pas venir dans, mais non, aujourd'hui, 2017, dans la société, etc., tu ne vas pas trouver de travail. Mais on s'en fiche de tout cela. Nous, ça nous, c'est pas ça qui nous importe. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qu'Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. D'accord? Et ça, ceux qui commencent à faire fuir les gens de la sunna, en disant, à faire fuir les gens, à s'accrocher à la sunna, en disant, mais non, mais vite ta vie, mais non, attends, c'est pas extrême. Oh, tu peux même laisser un peu, ou quoi que ce soit. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez. Jusqu'à ce que les sahaba, on s'imagine, ils priaient derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils savaient que pendant les prières du dhuhr et du asr, que tu récitais à voix basse, c'est-à-dire que tu ne fais pas comme beaucoup font en restant comme ça. Et il dit, je récite dans mon cœur. Non, tu dois réciter, tes lèvres doivent bouger, tu vois. Tu vois, de quoi t'entendre toi, mais pas que tu gênes non plus les autres. Tu vois, il disait, on savait que le prophète Hassan faisait cela par le mouvement de sa barbe. Les sahabes, ils étaient derrière. Hein. Vous voyez la barbe du prophète Hassan, Allahumma barik, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il voyait que le prophète Hassan, par le mouvement de sa barbe. Subhanallah. Donc ça, c'est sur les deux premiers points qui sont croire en ce qu'il a dit, et puis suivre son ordre. D'accord ? Et le troisième point, an yajtanib ma nahaa ar-rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anhu bidun taraddud. Là qu'il évite, comme on avait vu, hein, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit sans avoir aucune répulsion ni réticence ni quoi que ce soit. La yaqul hadha laysa fil Qur'an fayuhlak. Qui commence pas à dire ça c'est pas dans le Coran. Ça, on l'entend beaucoup, ça. Tu commences à dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, non, moi, dis-moi quelque chose du Coran. Subhanallah. Et tu te demandes ce que les gens ils veulent dire par là. Tu crains pour eux, honnêtement, dès que tu entends ce genre de truc. A'udhu billah. Donc, il dit, le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimallah, il dit, tu ne dis pas Ceci n'est pas dans le Coran. لِأَنَّنَا نَقُولُ مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ فَقَدْ أَمَرَ الْقُرْآنَ بِاتِّبَاعِهِ. Alors nous disons à ceux qui disent que ce n'est pas dans le Coran, on leur dit, eh bien ce qui est venu dans la sunnah, eh bien le Coran a ordonné de le suivre. Le Coran a ordonné de le suivre. D'accord ? وَلَقَدْ حَذَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِ الَّذِي يَقُولْ هَذَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce genre d'individu que lorsque tu lui rapportes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à te dire oui mais ça c'est pas dans le Coran. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا ألفين أحدكم على أركته أي جالسا متبخترا متعظما يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله أتبعناه. Le professeur Hassan m'a mis en garde contre cela. Il a dit comme celui qui est allongé sur son canapé. D'accord ? Qui se prend pour, tu vois, il est allongé sur son canapé. Et que lorsque un hadith lui parvient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, je ne sais pas si c'est dans le Coran ça, mais de toute façon, ce qui est dans le Coran, on le suit. Donc, style, aucune importance à la sunna. Vous voyez ? Ay wa ma lakum yakun la natabi'hu. C'est-à-dire, ce qui n'est pas alors dans le Coran, alors on ne le suit pas. Il y a une secte qui est tombée dedans qui s'appelle. C'est-à-dire ceux qui disent que non, on ne croit que ce qui est dans le Coran. Ce qui est écrit dans le Coran, on y croit. Ah non, toi tu lui ramènes un hadith. Non, non, moi je veux le Coran. Le Coran c'est mieux, c'est. Subhanallah. C'est ceux qui disent ouais, moi je crois que c'est dans mon cœur. C'est eux, non ? Non. Ça s'appelle comment cette secte-là ? Je sais pas si elle. Hein ? Coraniyin, barakallahu fik. Coraniyin, ce sont ceux qui ne croient qu'au Coran. Bon, ces gens-là, ils sont faits comme des rats très rapidement, d'accord ? Il suffit juste de leur dire combien de rak'at pries-tu le dhuhr et combien de rak'at pries-tu le maghrib ? Ils vont te répondre 4 pour le dhuhr et 3 pour le maghrib. Alors tu lui dis montre-moi où c'est écrit dans le Coran. D'accord ? Donc là, blocage de cerveau. Et. Ouais, voilà. Ouais. Donc. Allah Azza wa Jalla a interdit le sang, on est d'accord ? Le sang est interdit à la consommation. Cependant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a permis que l'on se nourrit avec le foie. Le foie, c'est rempli de sang, ça. D'accord ? Mais il est permis de manger du foie. C'est pas haram. C'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. D'accord ? Donc, celui qui veut interdire la consommation de foie, donc là, eh bien, il oppose la sharia d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Donc il n'y a rien qui s'oppose entre le Coran et la Sunna. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. C'est comme les deux attestations de foi, l'une ne va pas sans l'autre. Si quelqu'un dit La ilaha illallah et puis il refuse de dire Wa anna Muhammad Rasulullah, c'est pas un musulman, c'est un kafir. D'accord ? C'est pas un musulman, c'est un kafir. Il faut appeler les choses par leur nom. Il y en a, ils sont peut-être choqués lorsqu'on dit kefir. Mais un kefir, c'est un kefir. On va dire quoi ? Donc, il faut juste qu'on utilise tout le temps. Il faut que tout le temps, je dis tout le temps aux frères, il faut qu'on soit clair dans le langage qu'on utilise. Un kefir, c'est un kefir. Un musulman, on sait c'est quoi un musulman. D'accord ? Un moubtadir, on sait c'est quoi un moubtadir. Un genre de la sunna, on sait c'est quoi quelqu'un qui est sur la sunna. D'accord ? Il faut mettre les noms à leur place. D'accord ? Et comme ça, à leur place, parce qu'on sait, on se tient sur quoi ? Il ne faut pas commencer à douter. Celui qui doute que les juifs et les chrétiens, c'est des kofars, c'est pas un musulman, celui-là, oudou billah. Ça annule son islam. Donc ça, c'est le troisième point. On évite, on s'écarte de tout ce que le prophète Mohammed a interdit. Donc, ce hadith-là, où est-ce que celui qui est allongé sur son canapé, et que lorsqu'un hadith lui vient, il dit, non, prenez juste du Qur'an, d'accord ? Ce qui est dans le Coran, on le suit. Donc le Cheikh, rahimallah, il dit donc ce qui n'est pas dans le Coran, ça veut dire on le suit. Ce qui n'est pas dans le Coran, ça veut dire on le suit pas. Ça veut dire ce qui est dans la sunna, ça veut dire on le suit pas. كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن. Nous disons que tout ce qui est venu du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم, eh bien, cela a été rapporté dans le Coran. Cela est dans le Coran. لأن الله تعالى قال واتبعوه, car Allah a dit suivez-le, suivez l'envoyé d'Allah. Ça y est. Surat al-A'raf, verset 158. وهو عام في كل ما قال. Et cela est général pour tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Ce verset-là, la 158 de Surat al-A'raf, hein, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَاتَّبِعُهُ, suivez-le, ça y est, tu suis le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Est-ce que vous vous rappelez d'un exemple sur ça? Une femme que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui avait interdit de s'épiler les sourcils. Non, je n'en sais, peut-être je ne l'ai pas mentionné. Donc, oui. Il a dit, ouais, j'ai pas trouvé ça dans le Coran. Il a dit, alors va chercher dans le Coran. Il a lu le Coran. Il a dit, non, en fait, j'ai pas. Parce qu'il lui avait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes de s'épiler les sourcils. Donc l'interdiction de s'épiler les sourcils, Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit à cette femme-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Vous voyez? Où est-ce que c'est écrit dans le Coran? Il lui a dit, va chercher, barakallahu fik bikran, va chercher dans le Coran, tu le trouveras. Elle est revenue, elle a dit, je l'ai lu le Coran 3 fois, je n'ai pas trouvé où est-ce que c'est écrit ça. Alors elle lui a récité le verset de Surat Hashr, verset 7. وَمَا أَتَكُمَ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que l'envoyé vous a ordonné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est dur en châtiment. Vous voyez? Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit suivez-le, ça y est. Vous voyez? Et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Donc voilà. Al-Raba, quatrième point. لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. Quatrième point, c'est qu'on n'avance pas à la parole de n'importe quel humain sur la parole du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et ça, beaucoup ceux qui font le suivi aveugle des madhahib, Maliki, Maliki, Maliki, etc. Là. D'accord? Tu leur dis, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, oh mais attends, je suis Maliki. Ah, mais attends. T'as lu ce qu'a dit l'imam Malik? Subhanallah. Moi je veux bien, quelqu'un il dit Maliki, il a étudié le madhab Maliki, moi je veux bien, d'accord? Qu'il applique tout. Subhanallah, il dit il est Maliki, il oppose tout le madhab Maliki, dans tout. Subhanallah. Et après il dit il est Maliki. Maliki pourquoi? Ah, parce que je viens d'Algérie, je viens de Tunisie, je viens de. Subhanallah, et on est Maliki. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maturidi, dès que j'étais au Royaume-Uni, il y en avait un, il était de. Ouzbékistan, je crois. Il me dit, je suis Maturidi. Je lui dis, A'oudou billah. Tu sais ce que ça veut dire? Il est resté à me regarder. Tu sais, il croyait que c'était normal, style, je viens de là-bas, donc je suis obligé d'être un Maturidi. Tu sais, c'est Russie, tout cela. D'ailleurs, Tchétchénie aussi, ils disent que Turquie, tout cela, ils disent qu'ils suivent Abu Hanifa, ils disent. Et donc, automatiquement, ils sont Maturidi. Je lui dis, oh, tu sais ce que ça veut dire? Tu crois que. Je lui dis, tu sais ce qu'il y a dans la croyance Maturidi? Dans la croyance Maturidi, il croit que Allah n'est pas élevé au-dessus de son trône. Ça me regardait. Il croit que la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est stable. Il croit que. La foi du plus mauvais des musulmans, c'est la même que la foi d'Ibril. Qu'est-ce qu'il m'a dit dès que j'ai dit ça? Il m'a dit, oh, moi je crois pas à ça, moi. J'ai dit, donc t'es pas Maturidi. Faut pas dire que t'es Maturidi parce que tu viens de style d'un pays d'Asie de l'Est ou bien d'Europe de l'Est et puis tu penses que parce que tu viens de là, t'es obligatoirement ancré dans ce truc-là. Tu crois pas à ça. Donc, alhamdoulilah, tu crois pas à ça. Donc, t'es pas Maturidi. Oui, mais. Les imams disent non, on est. C'est ça. C'est comme. On est ça, donc on est ça. Mufti de Tunisie dit on est Ashaira, etc. Donc c'est pas parce qu'ils disent qu'ils sont Ashaira qu'automatiquement les gens sont Ashaira. Comme on disait, tu vas frapper la première porte venue, n'importe quel vieux au bled, et tu vas lui dire est-ce que tu renies les noms et attributs d'Allah ou est-ce que tu leur changes le sens. Il va dire Oudou Billah, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? D'accord. Mais eux, ils essaient d'incorporer ça dans le. Donc ce qu'il y a, c'est ce quatrième point-là. On n'avance pas donc la parole de n'importe quel humain sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك أنت والإمام يلزمكما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Il n'est pas permis d'avancer la parole d'un imam, d'accord, parmi les imams des musulmans, l'avancer sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit pourquoi le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il dit parce que toi et l'imam que tu prétends avancer là, toi et l'imam, vous deux, il vous incombe de suivre le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma a'zam qawl man idha hajajtahu wa qult قال رسول الله قال لكن الإمام فلان قال كذا وكذا. Il dit et quelle énormité que lorsque toi tu rapportes la preuve à quelqu'un et que tu lui dis l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela et lui qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit oui mais un tel a dit cela et cela. Style, il veut opposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, oui mais attends, un tel a dit cela, oui mais mon savant a dit cela, oui mon... C'est pas comme ça. Toi et le savant que tu prétends écouter ou quoi que ce soit, vous deux, vous êtes obligés de suivre l'envoyé d'Allah. Le hadith est authentique, c'est bon. Cela est une énormité. Parce qu'il n'est permis à personne d'opposer la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit d'opposer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la parole de n'importe quel individu. Peu importe qui il est. Même si c'est le plus grand des savants qui oppose la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on ne l'écoute pas, on ne prend pas de lui. Mais on prend ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, ils avaient tous cette parole-là, que leur madhhab, c'est le hadith authentique. Si je dis une parole... Qui a opposé un hadith authentique, prenez ma parole, jetez-la contre le mur et suivez le hadith authentique. Mon madhab, c'est le hadith authentique. On aurait souhaité entendre ça aujourd'hui, de la part de ceux qui s'affilient à ces écoles-là. Hatta innahu dhakara an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Qu'est-ce qui a été rapporté sur Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma? Annahu qal, yushiku. أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه? Je crains que des pierres ne vous tombent du ciel. Je vous dis, l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit et vous me dites Abu Bakr et Omar. Subhanallah. Alors que Abu Bakr et Omar, c'est Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, c'est le meilleur de cette communauté après le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ensuite, c'est Omar. Alors, vous voyez déjà eux. C'est pour ça qu'il dit le shir. وَمَنْ إِمَمْ هَذَا الرَّجُلْ الْمُجَادِلْ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرُ وَعُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Et donc, qui est cet individu que la personne essaie d'argumenter avec face à Abu Bakr et Omar? Si Abdullah ibn Abbas a dit, je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar, je crains que des pierres ne vous tombent du ciel. C'est-à-dire que même si c'est Abu Bakr et Omar, eh bien c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui devance la parole d'Abu Bakr et Omar. Et que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, qui sont les meilleurs de cette communauté, eux étaient dans l'obligation de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et donc quel est cet individu-là face à Abu Bakr et Omar en plus? Vous voyez, si au jour de nos jours, tu dis à quelqu'un, « Ouais, mais attends, le crédit, c'est haram. La musique, c'est haram. »« Ah, mais attends, le Qarda, oui, il a dit, c'est pas grave, tu peux, je sais pas quoi, là, tu peux écouter, tant que c'est pas, je sais pas quoi. » Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, a dit, « Des gens de ma communauté vont rendre licite la consommation de vin, la fornication, al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Le port de soi, la consommation de vin, la fornication et les instruments de musique. Et lui, il vient et il me dit qu'un tel a permis... subhanallah. Oui, voilà, ou bien ils te disent, ah bah non, ça y est, il l'a dit. Bah, de toute façon, ouais, c'est lui. Hein. C'est lui, mais ri, tu sais, le haq, il est où? Tu sais que ce qu'il a dit, c'est faux. Ouais, mais non, ça reposera sur lui. Mais non, ça y est, tu sais maintenant, ri, ça y est, c'est différent. T'es pas l'ignorant. T'as été éduqué, t'as reçu la preuve, elle est arrivée à toi, il t'est interdit de suivre aveuglement maintenant. Il t'est interdit de suivre aveuglement si la preuve. Parce que qu'est-ce que tu diras devant Allah? Oh Allah, c'est lui qui m'a égaré. Subhanallah, Allah, il a révélé le Coran et la Sunna. Il a mis des savants dans cette communauté comme cause pour protéger cette religion. Les livres sont présents, le Coran est présent, comme dit le Mashaykh. Tu ne peux pas dire, j'ai fait une prosternation à cette tombe-là parce que mon cheikh il l'a dit, il ne fallait pas que je le désobéisse, sinon il allait m'électrocuter avec sa main ou je ne sais pas quoi, subhanallah, comme ils font les soufis. On n'avance pas une parole d'un imam ou d'un shir ou de je sais pas quoi. Parce que le shir ou l'imam, ou peu importe la personne qui elle soit, elle et nous, nous ne devons de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-khamis, Allah nabtadi'a fi din Allah ma lam ya'ti bihi ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'innovons pas dans la religion d'Allah. Ce dont l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec. On ne commence pas à inventer des choses dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait dans la religion d'Allah. Sawa kana aqida, que ce soit dans la croyance, ou qawlan, que ce soit dans les paroles, ou fa'lan, que ce soit dans les actions, que ce soit dans la croyance, les paroles, les actions. Wa ala hadha fa jami' al-mubtadi'in lam yuhaqqiqu shahadat anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que je t'avais dit cela tout à l'heure au Bekran, barakallahu fik. Ce que dit le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, rahimallah, il dit, c'est pour cela que tous les innovateurs ne concrétisent pas l'attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Vous voyez? Tous les innovateurs, ils ne concrétisent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'applique pas la définition de Anna Muhammad Rasulallah. Qu'il est interdit d'innover dans la religion. Que tu dois adorer Allah qu'avec la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il dit tous les innovateurs ne concrétisent pas l'attestation que Muhammad est l'envoyé d'Allah. لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِي شَرْعِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ. Car ils ont ajouté dans sa législation ce qui n'en fait pas partie. وَلَمْ يَتَأَدَّبُوا مَعَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et donc ils ne se sont pas éduqués avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est clair pour le moment? Sixième point. Donc là, lorsqu'il dit sixième point, septième point, huitième point, ce sont des explications pour renforcer ce qu'on a vu dans le sens de la deuxième attestation de foi, d'accord? C'est juste qu'il détaille un peu plus. Il dit Allah yabtadi' fi haqqihi ma laysa minhu. Qu'on ne commence pas à innover dans ce qui n'est pas, qu'on ne commence pas à innover sur le droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'en fait pas partie. C'est pour ça que c'est ça. Ça, c'est le sixième point dans les explications. Le cinquième, c'était qu'on n'innove pas dans la religion d'Allah ce dont l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu avec, que ce soit dans la croyance, dans les paroles ou dans les actes. Le sixième point, qu'on n'innove pas dans son droit, dans le droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a jamais fait. وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصون في تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. Donc ceux qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils ont une déficience dans la concrétisation que de l'attestation que Mohammed est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un manquement dans cela. Parce qu'ils ont inventé quelque chose qui ne fait pas partie du droit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لِأَنَّ تَحْقِيقِهَا يَسْتَلْزِمْ أَنْ لَا نَزِدْ في شريعته ما ليس منه. Parce que pour la concrétiser cette attestation de foi, la deuxième, cela incombe qu'on ne rajoute rien à la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le septième point. أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من الربوبية أي أنه لا يدعى ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه فهو عبد الله ورسوله. Ça, on l'avait vu ça avec les explications de Cheikh Salah Al-Fawzan. Allah, il dit, donc le septième point, c'est qu'on croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun attribut de seigneurie. D'accord ? N'a aucun attribut de seigneurie. Les attributs de seigneurie, c'est Allah qui est unique en cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne l'invoque pas. Et on ne recherche pas sa protection. D'accord ? On ne recherche pas son aide ou son secours, excepté pendant son vivant. Lorsqu'il est vivant, si quelqu'un demande l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut l'aider. D'accord ? Par exemple, je vais dire... Giovanni, tu peux m'aider à faire telle ou telle chose ? Tu peux m'aider, tu es vivant. Mais si tu es mort, je suis pas à ta tombe et je vais dire Giovanni, aide-moi. Tu peux pas. D'accord ? D'accord ? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur et l'envoyé d'Allah. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire dans Sourate Al-A'raf, verset 188. C'est la Sourate 7, verset 188. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Dis, dans la traduction du sens du verset, dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et dans la suite, la traduction du sens du verset, et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Donc là, Allah Azza wa Jalla ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans la traduction du sens du verset, « Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. » Vous voyez ?« وَبِهَذَا نَعْرَفْ ضَلَالْ مَنْ يَدْعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَنَّهُمْ ضَالُّونَ فِي دِينِهِمْ سُفَهَا فِي عُقُولِهِمْ إِذْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا فَكَيْفَ يَمْلِكُ لِغَيْرِهِ. Donc il dit, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimullah, il dit, donc on connaît donc l'égarement de celui qui invoque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont égarés dans leur religion et qu'ils sont stupides dans leur raison. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient pour lui-même ni profit ni dommage. Alors comment peut-il le détenir pour autrui? Si pour lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient ni profit ni dommage, alors comment il peut le détenir pour autrui? Hein? ولهذا أمره الله أن يقول. C'est pour cela que Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de dire: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سبحان الله, il suffit de lire le Coran, sourate al-Jin, verset 21-22. Sourate al-Jin, verset 21-22, dans la traduction du sens du verset, dit: je ne possède, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas guider qui souhaite se guider. إِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ أَحْبَبْتَ. Tu ne guides pas qui tu souhaites à guider. C'est ça la traduction du sens du verset. Le sens du verset, la traduction, c'est ça. Il y en a, ils vont traduire, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est pas correct, ça. Parce que l'amour, dans l'alliance et le désaveu, on aime les musulmans. Et on se doit de détester les kofars. Il est interdit d'avoir de l'amour pour des kofars. Même si ce sont les parents. T'imagines les parents? Là, un individu se convertit à l'islam. Il est musulman. Il y en a plein qui ont cette choubha-là. Parce qu'ils entendent un prédicateur, un tel dire « Oui, mais non, c'est, tu as le droit d'aimer tes parents. » Non. Les parents qui sont des kofars, des mécréants, le musulman, il se doit de les détester en Allah. Cependant, il se doit d'avoir un bon comportement avec eux. C'est pas que tu les détestes, ça veut dire que tu les frappes et tu... Non, tu les détestes en Allah parce que ce sont des mécréants. Mais tu dois avoir un bon comportement et t'essayer de faire des efforts à les inviter à l'islam en invoquant Allah Azza wa Jal de les guider. Parce que c'est permis d'invoquer en faveur du mécréant pour qu'Allah le guide, c'est tout. Il est interdit d'invoquer la miséricorde sur un mécréant, d'accord, comme l'égaré d'innovateur de Qardawi, qui disait qu'il veut, il invoquait Allah que la miséricorde soit sur le pape. A'udhu billah. C'est interdit, c'est haram ça. Allah Azza wa Jal l'a interdit dans Surat At-Tawbah. Il a interdit d'invoquer en faveur du mécréant, celui qui est mort sur la mécréance, ou celui qui est mort sur l'hypocrisie majeure. Il est interdit d'invoquer en leur faveur. D'accord ? Donc, la traduction du sens, tu ne guides pas qui tu souhaites à guider. Parce qu'on souhaite la guider même au kofar, hein. Même au khawarij, même à tous les mubtadi'a, on leur souhaite la guider. D'accord ? On leur souhaite la guider. D'accord ? Mais les kofar, on ne peut pas dire, eh bien oui, j'aime ce kafir-là et donc j'aimerais qu'Allah le guide. Non, c'est, on lui souhaite sa guider à lui. D'accord ? Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a ordonné de dire, dans Surat al-Jin, les versets 21-22, dans la traduction du sens des versets, dit « Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. » Dit « Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. » D'accord ? La seule chose qui va faire que je vais rentrer au paradis, c'est la rahma d'Allah. De par la miséricorde d'Allah. Il disait aux sahaba, je ne sais pas ce qu'Allah Azza wa Jal fera de moi. Et les sahaba, radiallahu anhum ajma'in, ont répondu, oh envoyé d'Allah, même toi ? Il a dit, même moi. Excepté si Allah me couvre de par sa miséricorde. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, Ya Fatima Yahmili, inni la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima, œuvre, je ne peux être bénéfique en rien auprès d'Allah. Ça alors qu'il était vivant. D'accord ? Donc une fois qu'il est mort, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de l'invoquer ou de rechercher son secours. D'accord ? Comme les innovateurs de Jama'at al-Tablir qui ont dans leur livre Tablir al-Nisab, qui s'appelle Fadail Hajj. Parce qu'ils ont différents fadail, tu vois, fadail Amel, fadail Hajj et tout ça. Ça, c'est surtout en tous les pays anglophones, là, parce qu'ils ont jamais établi. Ou bien Inde, Pakistan et tout cela, ils utilisent ça. Mais en France, les Arabes qui sont jamais établis, ils utilisent Riyad al-Salihin. Dans fadail Hajj, c'est écrit « Va à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Oh, envoyé d'Allah, je te demande l'intercession. » Ça, c'est celui qui fait ça, c'est plus un musulman. D'accord ? Donc ça, c'est un manuel comment sortir de l'islam. Il faudrait la A'udhu Billah. A'udhu Billah. Et les gens ne s'en rendent pas compte, hein, subhanallah. Donc là, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas guider les gens, c'est Allah qui guide. Mais quel est, vous vous rappelez, il y a deux types de guidés. Il y a une guidée où est-ce qu'on montre, on clarifie aux gens. Ça, c'est le premier type de guidé. Maintenant que la personne se met à suivre le droit chemin, ça c'est Allah Azza wa Jal. Que lui, il peut faire cela. D'accord ? Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est tu transmets. Tu rappelles un frère, tu lui dis cela, tu lui dis, regarde, Allah, le prophète, Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ça, c'est le premier type de guidé. C'est la guidée de clarification. Tu montres le chemin aux gens, où est-ce qu'il est ? Regarde, le droit chemin, il est là, là. Maintenant, le fait qu'il va l'emprunter, le chemin droit, il n'y a que Allah Azza wa Jal seul qui peut guider qui il veut et égare qui il veut. D'accord ? Donc c'est pour cela, « Aïe annahu huwa alayhi salatu wassalam, law arad Allahu bihi ma yurid, ma stata' ahad minan nas, an yamna' iradat Allah fihi. » Donc là, concernant les versets, il dit vraiment « Personne ne saura me protéger contre Allah » dans la traduction du sens. « Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. » C'est-à-dire que, ça c'est Allah Azza wa Jal qui lui a ordonné de dire ça. On trouve dans verset 22 de Sourate Jin. C'est-à-dire que n'importe qui des humains ne peut protéger le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre ce que si Allah Azza wa Jal aurait voulu faire quoi que ce soit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne peut empêcher cela. D'accord ? T'as retrouvé, c'est quoi qui te semblait bizarre dans les quatre règles ou pas là ? Non, t'as pas retrouvé ? Il y a trop de pauses entre deux là. Ah d'accord. Non mais c'est pas que ça me semblait bizarre en fait, c'est juste moi qui ai peut-être une mauvaise compréhension et... Faut que tu retrouves justement. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, parce qu'à chaque fois je pense à toi dès que je viens pour faire ça le mercredi. Je pense même pas à moi, mais c'est toi qui penses à moi. Non, c'est ça. Donc, « إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَ الضَّلَالِ الْبَيِّنِ أَنْ يَسْتَغِيثَ أَحَدْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ هَذَا مِنَ الشِّرْكِ » Donc, étant dit, ce qui est de l'égarement évident, c'est que l'individu recherche secours ou protection auprès de l'envoyé d'Allah, صلى الله عليه وسلم. Mais cela fait partie du polythéisme, l'associationnisme. فلو جاء إنسان مغموم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أغثني فإني مغموم فيكون هذا مشركا شركا أكبر لأنه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si quelqu'un venait à la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم, quelqu'un qui est يعني, qui a des problèmes et d'accord, et qui va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au niveau de la tombe, et il commence à dire « Ô envoyé d'Allah !» Il commence à invoquer « Ô envoyé d'Allah !» « Je suis triste, j'ai des problèmes et tout cela. » D'accord ? Eh bien, celui-ci devient un polythéiste, ayant pratiqué du polythéisme majeur. « Liannahu da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » parce qu'il a invoqué l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. « Wa da'wat al-mayt an yarithaka aw yu'inaka shirk » Le fait que tu invoques un mort, qu'il te porte secours ou qu'il t'aide, eh bien cela c'est du polythéisme majeur. لِيَنَّهُ غَيْرَ قَادِرٍ parce qu'il ne peut pas, il est mort, il ne peut pas. D'accord ? فَهُوَ جَسَدْ وَإِنْ كَانَتَ الرُّوحَ قَدْ تَتَّصَلْ بِالْجَسَدْ فِي الْقَبْرِ لَكِنْ هُوَ جَسَدْ. Mais c'est un corps, même si l'âme a des connexions avec le corps qui est dans la tombe, il reste un corps. D'accord ? وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ حَيًّا فِي قَبْرِهِ Hayat barzakhia la tushabba hayat ad-dunya. Et cela n'oppose pas le fait qu'il soit vivant dans sa tombe, une vivant, c'est-à-dire le prophète sallam est mort. Mais vous savez qu'il y a une vie, c'est quoi le barzakh ? Le barzakh c'est le temps qu'il y a entre yani après la mort, le temps d'attente qu'il y a jusqu'au jour de jugement dernier. D'accord ? Ce temps-là, c'est al-barzakh. D'accord ? Mais la vie qui est dans le barzakh diffère de la vie qui est dans ce bas monde. D'accord ? La vie qui est dans le barzakh, dans le temps d'attente, là, jusqu'au jour du jugement, diffère de la vie qui est dans le monde. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Ils croient qu'il est vivant dans sa tombe. Donc ça veut dire qu'il nous entend. Et qu'il... Mais pour preuve, lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas que tu as dit cela. Mais c'est Allah azza wa jalla qui envoie un ange l'informer. D'accord ? Et ça amène 8e point. احترام أقواله. On doit de respecter ses paroles. بمعنى أن تحترم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que tu respectes les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم. فلا تضع أحاديثه صلى الله عليه وسلم في أماكن غير لائقة. C'est-à-dire que tu ne mets pas ces ahadiths, tu ne les mets pas en dehors de leur place ou dans des endroits qui ne sont pas corrects. لأن هذا النوع من الامتهان ومن ذلك أن لا ترفع صوتك عند قبره. Notamment parmi ceux-là, il n'est pas permis, il n'est pas correct donc d'élever sa voix lorsqu'on est à côté de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقد سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين قدمنا من الطائف فجعل يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أنكما من أهل الطائف لأوجعتكما ضربا. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari. Donc il n'est pas correct donc d'élever sa voix, hein, que ce soit au niveau de la tombe du prophète sallam ou bien dans la mosquée. Il y avait deux hommes qui sont venus voir Omar ibn Khattab. Ils étaient dans la mosquée du prophète sallam et ils se sont mis à élever leur voix. C'était des gens de Taif qui élevaient leur voix dans la mosquée du prophète sallam. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Si ce n'est par le fait que vous êtes des gens du Taif, eh bien je vous aurai vous deux frappé. Je vous aurai vous deux frappé et frappé en faisant mal. Yani. لأن الله تعالى يقول, car Allah عز وجل a dit, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Et ce verset-là, dans Sourate Al-Hujurat, dans la traduction du sens du verset, c'est le verset 2 hein, de Sourate Al-Hujurat, Sourate 49. Donc respectez la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas mettre un hadith, ne le mettre qu'à sa place, et ne pas le mettre dans des endroits qui ne conviennent pas. Et ne pas élever la voix. Jusqu'à, il y avait même des savants parmi les pieux prédécesseurs, que lorsqu'ils commençaient à réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois tu parles même à des frères, tu leur dis, regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les gens ils parlent, ils continuent. Tu dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, et ils te laissent même pas parler, ils continuent à parler sur la voix, tu vois, de ce que tu es en train de lui dire, tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Et donc, ils ordonnaient aux gens de se taire lorsqu'ils récitaient un hadith. Et il disait ce qui est dans ce verset 2. Ô vous qui, dans la traduction du sens du verset, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète. Et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendriez compte. On voit le danger, hein? ولما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة يقال له ثابت بن قيس رضي الله عنه ممن يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان جوري الصوت فلما نزلت هذه الآية بقي في بيته يبكي ليلا ونهارا رضي الله عنه هؤلاء الذين يعلمون قدر القرآن الكريم سبحان الله. Il dit le Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, lorsque ce verset-là a été révélé, il y avait un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Thabit bin Qais radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Et lorsqu'il parlait, et il était auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une voix qui portait. D'accord ? Et ce verset-là a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est rendu chez lui et il est resté à pleurer. Jour et nuit. Qu'Allah soit satisfait de lui. Et il dit, le Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ceux-là sont ceux qui connaissent le degré et qui donnent du respect au Coran. Subhanallah. Vous voyez, le verset, il a été révélé. Directement. Il a eu peur et il craignait pour lui. Il est rentré chez lui et il pleurait de jour comme de nuit. فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voyait plus. Parce qu'il reste enfermé chez lui. لِأَنَّ مِنْ عَادَةٍ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَصْحَابَهُ. Parce que de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il se renseignait sur ses compagnons. Où est-ce qu'ils sont, comment vont-ils, d'accord ? Et ça, c'était de l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَهَذَا مِنْ حُسْنِ رِعَايَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ça, c'est le fait que c'est un bon comportement le fait qu'il veut prendre soin de ses compagnons. فسأل عنه, donc il a demandé, il a questionné sur lui, sur Thabit bin Qais, radiallahu anhu. Et il a dit où est-ce qu'il était. فقالوا ils ont dit يا رسول الله إن الرجل منذ أنزل الله تعالى هذه الآية وهو في بيته يبكي ليلا ونهارا. Il dit, oh envoyé d'Allah, depuis que Allah Azza wa Jalla a fait descendre ce verset, eh bien, il est resté enfermé chez lui et il pleure de jour comme de nuit. فقال أذهب فدعوه فدعوه لي. Donc il leur a dit, allez-y, allez, yani, dites-lui de venir. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له. Donc il est venu au prophète صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallam s'est mis à lui dire « Ma yabkika ya thabit, qu'est-ce qui te fait pleurer au thabit ?» Faqala « Ana saytu wa atakhawuf an takun hadihi l'aya nazalat fi li'anna Allah ta'ala yaqul an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun » Il dit « Parce que j'avais élevé ma voix et je crains que ce verset-là ne soit descendu sur moi, car Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, a dit, dans la traduction au sens du verset, que vos œuvres deviennent vaines sans que vous vous en rendiez compte. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Alors le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit, أَمَّا تَرْضَ أَن تَعِيشْ حَمِيدًا وَتُقْتَلْ شَهِيدًا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةِ Subhanallah. Il lui a dit, eh bien, sois satisfait que tu vivras Hamidan, c'est-à-dire que yani, tu loueras Allah Azza wa Jal, d'accord, que ça, alhamdoulilah, il ne te manquera rien, d'accord, tu seras tué en tant que martyr et tu rentreras au paradis. Subhanallah. Et ce hadith est sahih, d'accord, rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak et autres. Allahu Akbar, kul man khafa min Allah amina. Le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit Allah est grand, Allahu Akbar. Tous ceux qui craignent Allah, tous ceux qui ont eu peur d'Allah, eh bien se retrouvent yani, en sécurité. فَهُوَ بَقِيَ فِي بَيْتِهِ خَائِفًا Il est resté dans sa maison, ce sahabi-là, radiallahu anhu, en ayant peur d'Allah. خَائِفًا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ أَمَّنَهُ اللَّهِ Mais Allah عَزَّ وَجَلَّ lui a donné cette sécurité. ولهذا يجب علينا وجوبا أن نشهد أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا. C'est pour cela qu'il nous incombe de croire obligatoirement que ثابت بن قيس, qu'Allah soit satisfait de lui, eh bien, fait partie des gens du paradis. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم nous a informé sur cela. Il dit فَبَقِيَ الرَّجُلْ حَمِيدًا فِي حَيَاتِهِ وَشَارَكَ الْمُسْلِمِينَ فِي قِتَالِ مُسَيْلِمَةِ الْكَذَّابِ Donc, il est resté à vivre en étant, yani, en louant Allah Azza wa Jal dans sa vie. Il ne manquait de rien. Et il a yani, accompagné les musulmans à combattre donc Musaylimah al-Kadhdhab. C'est celui qui se faisait passer pour un prophète. D'accord ? Musaylimah al-Kadhdhab. Donc, il envoie une lettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant de la part du prophète Musaylimah, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux sahaba d'écrire de l'envoyer d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Musaylimah al-Kadhdhab. Donc, de l'envoyer d'Allah à Musaylimah, le menteur. وغزوة مسيلمة الكذاب معروفة ومشهورة في التاريخ. Et puis la غزوة, يعني comment on pourrait l'expédition barakallahu fik de مسيلمة الكذاب est connue et célèbre dans l'histoire. وقتل رضي الله عنه شهيدا. Et ce sahabi là est mort en étant un martyr. ويدخل الجنة et il rentrera au paradis puisque le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. Oh Allah, fasse que nous faisons partie des gens du paradis. Donc ça, c'était le premier point de ce que disait donc le Cheikh Mohammed bin Salah al-Uthaymeen concernant la deuxième attestation de foi. Et là, on va terminer sur ces six points-là. D'accord ? Inch'Allah. Pour bien comprendre la concrétisation donc du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais on va terminer avec ça, Inch'Allah. D'accord ? Donc il dit le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Parce que déjà on doit comprendre comment concrétiser le fait qu'on soit en accord avec la législation d'Allah. J'ai fait ce cours-là hein, dans le détail, ça s'appelle la concrétisation du suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai fait dans le détail dans une autre mosquée. Mais le cours, il est sur le site, là. C'est comment concrétiser le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, ce qu'il y a, c'est que je vais utiliser juste ces 6 points-là pour comprendre lorsqu'on dit « Wa anna Muhammad rasulallah », comme ça, on aura fait complet, d'accord, ce premier pilier. C'est long, mais qu'inchallah, c'est complet. Comment on sait que l'œuvre qu'on fait, la question, c'est ça. Comment on peut concrétiser le fait d'être en accord avec la législation d'Allah et d'être en accord avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que l'adoration qu'on fait, eh bien, soit en accord. Eh bien, il faut que l'adoration, elle soit en accord avec la législation d'Allah, fi sababiha, dans sa cause. Fi jinsiha, dans son genre. Fi qadriha, dans sa quantité. Fi kayfiyatiha, dans sa façon, dans sa manière. Fi makaniha, dans son lieu. Wa zamaniha, et dans son temps. Il faut qu'il y ait les 6 points. Pour s'assurer que l'acte d'adoration soit en accord avec le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ça doit être en accord avec, il doit être en accord, l'acte que tu fais, il doit être en accord dans sa cause, son genre, son nombre, sa façon, sa manière, son lieu et son temps. D'accord ? Tout d'abord que l'acte d'adoration soit identique à la législation dans sa cause. Donc quiconque adore Allah, par l'intermédiaire d'une adoration basée sur une cause que la législation n'a pas confirmée, cette adoration est alors rejetée. Et elle ne provient pas de l'ordre d'Allah et de son messager. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas la cause. C'est quoi la cause en fait ? Il n'y a pas une cause, il n'y a pas une preuve. Il n'y a aucune origine. Il l'a sorti de sa poche. D'accord ? C'est quoi la preuve pour faire ça ? C'est bien. C'est pas une preuve ça. D'accord ? Pourquoi tu fais ça ? J'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Mais c'est pas une preuve, ça. La preuve, c'est pourquoi tu fais ça ? Je fais cela parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit cela, cela, cela. Voilà. Ça, c'est une preuve. Donc, tu as l'origine. L'origine, c'est quoi ? Donc, c'est la preuve. Tu dois avoir une preuve, une cause. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit l'exemple, c'est quoi ? Quel exemple vous pouvez donner sur ça ? Non, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose basé sur aucune origine, c'est rejeté. Donnez-moi un exemple de cette chose-là qui est rejetée. Comme ? Oui, oui. Dans Sahih Muslim, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Donnez-moi un exemple de cette œuvre-là qui est rejetée. C'est-à-dire qui n'a pas de cause, qui n'a pas d'origine. Les soufis, par exemple. Quoi ? Qui disent « yard artif », là, tu nous avais dit. Par exemple, ça, c'est une... Ça peut être une œuvre où quelqu'un pense que ça peut être bien. Mais en réalité, ça a rien à voir avec la sunnah. Un truc que chaque année ils font là. Célébrer l'anniversaire du prophète. Il n'y a aucune origine, il n'y a aucune cause. Donc, quelle est l'origine de cela ? Il n'y a pas d'origine. Quand est-ce que c'est apparu ? Au 4e siècle, d'accord ? Par les Fatimides qui sont des Shias, qui sont des chiites, d'accord ? Qui ont introduit cela par prétention qu'ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne l'ont pas vu et qu'ils l'aimaient. Donc ils veulent introduire cela. Comment vous pouvez répondre à cet équivoque ? Quelqu'un il te dit, mais toi en fait tu détestes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu refuses de célébrer. C'est comme ça qu'ils disent. Hein. Tu Tu dis, mais il ne faut pas célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu détestes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Tu lui dis, il ne faut pas célébrer. Tu n'as aucune preuve. Il te dit, tu détestes. Il te dit, parce que moi, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je lui prouve mon amour. Comment vous réfutez cela? Bah déjà, c'est l'association de faire ça en plus. Ouais. Ouais, mais lui, il ne va pas t'écouter sur ça. Ouais. Quiconque aime Allah, suit le prophète. Mais certes, il faut parler avec des preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au courant de ce que vous faites pour lui. Non. Parce que lui, il vient avec l'équivoque que quoi? Il te dit, moi, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour lui prouver mon amour, je célèbre son anniversaire. Ah, c'est pas avec le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avec les deux fêtes, non? Notamment, oui, bien, tu peux, oui, effectivement. Nous n'avons que deux fêtes. Donc, il faut qu'on utilise un hadith ou juste un principe Parce que ça, c'est oui, mais... Il est perdu, là. Non, mais dans le sens où est-ce que... Vous lui ramenez un fait, c'est-à-dire que... Eh bien, quelle personne aimait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Les sahaba. Donc, les sahaba, qui aimaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus... que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. Il faut pas... Le sahab, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. D'accord? Ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, et que Bilal venait pour faire l'adhan, et lorsqu'il arrivait au Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il n'arrivait pas. Il ne pouvait pas, il pleurait. Il dit depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Pour l'amour qu'il ressent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement qu'il était ému de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir perdu celui qu'il aimait plus que sa propre personne. Donc il vient un égaré de mubtadi', d'innovateur, et qui prétend qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que Bilal. C'est un menteur celui-là, premier point. Deuxième point, ils vont te dire, mais Bilal il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous on te dit on ne l'a pas vu. Donc c'est ça que je voulais que vous me rameniez en fait. Les tabi'in. Qui sont les tabi'in? Ce sont les élèves des sahaba. Donc eux, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Mais ils ont vu les sahaba, ils ont rencontré les sahaba. Et il y en a, ils sont vécus à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Ceux qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en physique. Oui, mais ça c'est encore un autre statut, ça. Exactement, Black Lofik. Mais là, parce que sinon tu vas leur compliquer. Déjà que c'est compliqué pour eux, alors si tu commences à leur compliquer la tâche, tu leur dis les tabi'in, ce sont ceux qui sont venus après les sahaba. Eux, qui étaient parmi des grands savants après les sahaba, ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes. Et ils ne l'ont jamais vu. Et ils n'ont jamais célébré l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un tel, vous voyez, les tabi'in, ceux qui sont venus après les sahaba, n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne l'ont jamais célébré. Petit fait, son anniversaire, ils font quoi? Ils font un gâteau et ils font un anniversaire? Enfin, ils font quoi? C'est en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils mettent des guirlandes et ils mettent une chaise au milieu. Hein, et ils restent à danser autour. Ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils dansent, après ils s'assoient. D'accord? Et après... un stupide se met à leur dire « Lavez-vous !» Et il se met à faire « Ouais !» Et il se lève et il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. » Ils disent « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. » D'accord ? Ces innovateurs de Mubtadi'a, de Jama'at al-Tablir, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? C'est qu'ils te disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont rendu en tant que comptable. Il fait les comptes de leur organisation en Inde. A'oudou billah. Et vous voyez ? Où est-ce que les gens, ils en sont arrivés ? Style que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à faire les comptes de ces innovateurs. Donc, là on les réfute avec ce que tu as dit, barakallahu fik, en termes de preuves. Oui, il n'y a que deux Eid. Et puis bien sûr, le hadith dans Sahih Muslim, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra. Là, il dit aussi un autre exemple, il donne aussi un autre exemple. D'accord? Il dit donc, par exemple, de cela, la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, il y a autre chose qui célèbre. Et subhanallah, vérifie bien, hein. À chaque fois qu'il y a une innovation, les gens ils se précipitent. Et lorsque tu lui dis, c'est une sunna, ils ont comme si que le comportement qu'ils devraient avoir pour l'innovation, ils l'ont pour la sunna. Tu vois? Tu lui dis, mais c'est une sunna. Oh, arrêtez d'être dur. Subhanallah. Et l'innovation qui est, il accuse le prophète d'avoir oublié de transmettre le message. ils se ruent vers cela. Il y en a une, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des qiyam al-lil et tout cela. Comme il dit وكذلك الذين يحتفلون بليلة السابع والعشرين من رجب, la 27e nuit, d'accord, la nuit du 27 du mois de Rajab. Il célèbre cela. يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة فهو غير موافق للشرع مرد. Donc eux, ils prétendent que le prophète sallam a été élevé la nuit du 27 de Rajab. Et donc ils célèbrent cela. Soit ils font des prières, soit ils font des choses, différents trucs que chacun invente de son côté. D'accord. Donc tout cela, n'a pas, ça fait partie des informations qui ne peuvent être confirmées. D'accord. Dans les hadiths authentiques, il n'y a rien d'authentique sur cela. Il n'y a rien d'authentique qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé la nuit du 27 du mois de Rajab. Ala taqdir thubutihi. Donc ça c'est le premier point. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلة السابع والعشرين. Il n'y a rien qui prouve dans l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé la nuit du 27. D'accord? Ça c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il dit aussi? ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة. Deuxième point, ça c'est une information, et pour savoir si elle est correcte, elle doit être prouvée par des hadiths authentiques. Mais seulement il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui prouve la nuit du 27. Deuxième point, وعلى تقدير ثبوته فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا. Il dit, et même si cela est prouvé, admettons par exemple qu'il y a une preuve qui dit qu'effectivement c'est le 27. Non, il n'y en a pas. Mais admettons que la nuit du 27 de Rajab, eh bien, il y a une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement était. Est-ce que maintenant c'est dans notre droit d'inventer dans la législation d'Allah un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal la nuit du 27 de Rajab? Non, on n'a aucun droit. Abadan. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم, c'est ce que tu disais Giovanni barakallahu fik, المدينة ورأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما قال إن الله أبدلكم بخير منهما. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, pour preuve, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé donc à Médine, il a trouvé les Médinois donc en train de célébrer deux fêtes. Il leur a dit, Allah Azza wa Jal vous a changé ces deux fêtes par deux meilleures qu'elles. D'accord. Donc on n'a pas le droit de les prendre, même si c'est avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé la nuit du 27 de Rajab. On n'a aucun droit de prendre cela comme une célébration ou bien pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'accord. وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سواء الأعياد الإسلامية وهي ثلاثة. Donc il dit, et cela prouve que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم détestait donc des fêtes en dehors des fêtes islamiques qui sont au nombre de trois, qui sont donc l'Aïd al-Fitr, après le mois de Ramadan, Aïd al-Adha, le sacrifice du mouton, et chaque jour de vendredi. D'accord. Donc ça, c'est pour cela. On ne va pas tout faire dans le détail, je vais vous donner juste les points, Inch'Allah, parce qu'il faut qu'on termine. Barakallahu fikum. Ça, c'était le premier point, il faut que l'adoration soit en accord avec sa cause. D'accord. Qui est une origine, déjà. Fi jinsiha. Le deuxième point, c'est qu'elle doit être en accord avec son genre. Que l'adoration corresponde à la législation dans son genre. Par exemple, lors du Eid, il est permis de sacrifier tel type d'animal parmi les chameaux, les ovins, les bovins, d'accord? Si quelqu'un maintenant venait à sacrifier un cheval, est-ce que c'est permis? La réponse est non. Ce ne serait pas permis, ce ne serait pas accepté. Parce que cela opposerait la législation dans son genre. Parce que ce n'est pas le genre qui est permis, le cheval, d'accord? Pendant le sacrifice du riz, notamment. أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها. Que l'adoration corresponde à la législation dans sa quantité. Si quelqu'un venait par exemple pour prier le dhuhr 5 rak'at, le maghrib 4 rak'at, est-ce que c'est accepté de lui? La réponse est non, parce que dans la législation, ce qui est rapporté authentiquement, c'est 4 rak'at le dhuhr et 3 rak'at le maghrib. D'accord? Que l'adoration soit corresponde à la législation, c'est le quatrième point, dans sa manière. Si quelqu'un, par exemple, a perdu ses ablutions et il se met à refaire ses ablutions, et il se met à laver tout d'abord ses pieds, il commence par les pieds, puis essuie sa tête, puis il lave ses avant-bras, puis enfin son visage, d'accord ? Ces ablutions sont-elles correctes ? Non. Pourquoi ? Car elles ont opposé la législation dans la manière. Il n'a pas commencé comme il se devait, il n'a pas suivi l'ordre, d'accord ? Et la façon de le faire. D'accord. Si par exemple quelqu'un, il commence, il rentre dans la salette et il fait le takbirat al-ihram, Allahu Akbar, puis il va directement au sujoud et il commence à faire le sujoud avant de faire la prosternation, avant de faire la station debout, d'accord, le qiyam. Donc lui aussi, il l'a pas fait dans sa manière, et bien, et ça correspond pas à la manière de le faire, que ce soit dans les ablutions ou la salette, et bien ce n'est pas accepté de lui, d'accord. Le cinquième point, que l'adoration corresponde à la législation dans sa période. Quelqu'un qui veut jeûner le mois de Ramadan, qui est obligatoire, il le jeûne à Charben. Sa niya, c'est de jeûner ce mois-là de Ramadan, mais il le jeûne à Charben. Ou bien à Shawwal, au lieu de jeûner le mois de Ramadan. Ou encore, il prie le dhuhr avant le zénith. D'accord ? Le zénith, c'est lorsque le soleil est au point le plus haut. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'ombre. D'accord ? Il prie le dhuhr avant cette heure-là. Eh bien, sa prière n'est pas valable. Parce qu'il l'a fait en dehors de son temps. D'accord ? Ou bien ce jeûne-là n'est pas valable parce qu'il l'a fait en dehors de son temps. D'accord ? Et même si tu as eu des occupations, par exemple, si tu as eu des occupations et que tu rattrapes tes prières, la prière n'est pas valable quand même. C'est-à-dire, tu rattrapes tes prières. Alors, imaginons, je sais pas, tu as eu ta journée, par exemple, le cours. Ouais. Et tu as manqué des prières parce que tu n'as pas pu assister justement à les prières à l'heure. Ouais. Lorsque tu rentres, tu les rattrapes. Et ça a dépassé le. Elles sont invalides, les prières. Elles sont valides, mais il ne faut pas les rattraper. Invalides. Mais c'est obligatoirement de les rattraper, mais avec l'intention qu'aucune d'elles n'est acceptée. C'est ça. Aucune des salettes n'est acceptée. Oudoubillah. Que ce soit avant ou après. Par exemple, il prie le dhuhr avant ou il a attendu que l'heure du asr rentre. Là, on parle pas dans le cas où est-ce que quelqu'un il est en voyage, hein, où est-ce qu'il a le droit de raccourcir et réunir. D'accord ? Et on parle de quelqu'un où est-ce qu'il n'est pas en voyage, il n'est pas dans une exception. Il travaille ou bien il est en cours. La salette, elle est en son temps. C'est pas par exemple te disent la secte des frères musulmans, oh non, c'est pas grave, tac, tu y rattrapes le soir. Il n'y a pas un indice de même base. Une fois, il a pris, il me semble, en nombre à la déclaration, alors qu'il n'y avait pas de cause pour le faire. Et quand ils ont demandé pourquoi, ils ont dit, et le professionnel a dit, je ne souhaite pas la difficulté. C'était pour le maghrib avec le richet. Ouais. C'était pour le maghrib avec le richet. Le maghrib avec le richet, oui, ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait uni le maghrib avec le richet sans aucune cause. D'accord. Dans un autre cas, c'était pour mais ça c'est une question qu'il faut poser aux savants parce que eux, ils te donnent la réponse en te disant par exemple lorsque c'était l'été et que le Isha était à je sais pas moi, minuit et que le Fajr était à 3h du matin, eh bien certains savants disaient que tu pouvais regrouper le Maghrib avec le Isha. D'accord. Et puis y dormir après. D'accord. Donc ça, ce sont des exceptions. Mais là, l'individu, il travaille, ou bien il est en cours, hein, et puis il laisse toutes ses salettes, son temps passe et tout cela. Le prophète m'a dit, « Man taraka salat al-asr muta'amidan habita amalo. » Quiconque délaisse délibérément la prière du asr, toutes ses œuvres deviennent invalides. D'accord. Donc c'est pour ça que ça doit être en son temps. Faire les efforts, on le trouve. Hein, on trouve du temps. Que soi-même, quelqu'un, il a cours, il n'a pas cours... Alhamdoulilah, Allah m'a facilité, j'ai pu travailler dans différents domaines, que ce soit dans l'enseignement, éducation nationale, même à l'usine, et bien, j'ai pu voir, parce qu'avant, au départ, dès que voilà, je donnais des cours et tout cela, quelqu'un me disait, moi je ne connaissais pas comment que c'était l'usine, d'accord ? Je ne sais pas, mais de toute façon, je leur disais, il faut prier en son temps. Si Allah Azzawajal a légiféré les cinq prières, c'est que c'est possible. Bien que je ne connaissais pas la situation, travailler à l'usine ou pas, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire ses prières en son temps. Et j'ai travaillé à l'usine, et puis, subhanallah, j'ai pu prier mes salates. J'allais dans la salle de pause, là, je mettais la blouse, j'avais travaillé 2 semaines. Et puis, j'avais mis la blouse pour pas gêner les endroits, j'avais vu la qibla et tout ça. Les gens, ils venaient, ils prenaient la pause, je m'en fiche, moi, tu vois. Je me mettais avec comme ça, quand je faisais mes salates. Je les entendais, oh, mais c'est quoi. Je m'en fiche, ces gens-là, je comprends ce que je veux dire. Parce qu'après, le chef était venu me voir, oui, il y en a, ils sont venus plaindre, ils étaient choqués, nanana. Je dis, choqué pourquoi ? Parce que j'étais en train de. Subhanallah. Il dit, ouais, moi je leur ai dit, il fait ce qu'il veut, sa religion et tout ça. Après, il m'a montré un endroit où est-ce que je peux être tranquille, sans gêner personne ou quoi que ce soit. Donc bon, tant mieux, alhamdoulilah. Mais ce qu'il y a, c'est possible. C'est possible, parce que, on ne peut pas croire que tu commences à 7h du matin et que tu es jusqu'à 18h non-stop, tu n'as même pas de quoi respirer. C'est impossible, Ri. C'est vraiment des pauses. C'est impossible, mais tu as des pauses à chaque fois, subhanallah. Tu as tout le temps des pauses. Tout le temps des pauses. Moi, dès que je vais dans un endroit, je fais du repérage, où est-ce que je peux être tranquille pour prier. Donc, alhamdoulilah, là sur Paris, Allah m'a facilité. Dans l'hôpital, il y a un moussalla. Alhamdoulilah. Mais ce qu'il y a, c'est que tu peux trouver Ri, tu vois. Et quiconque craint Allah, Allah lui donne une issue favorable à son problème. Et il lui donnera une provision d'où il ne s'imaginait pas. Le 6e point, c'est que l'adoration corresponde à la législation dans son lieu. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajj wa Arafat ». Le pèlerinage, c'est-à-dire pour que ton pèlerinage soit valide, c'est que c'est Arafat. Le 9e jour où est-ce que tu dois être à la station d'Arafat. Donc, si le jour de Arafat, qui est le 9e de Dhul-Hijja, un homme venait à stationner à Muzdalifa, alors son stationnement ne serait pas valable. Et en plus, il aurait raté le Hajj. Vous voyez ? Parce que, pour l'absence de correspondance dans le lieu entre l'adoration et la législation. D'accord ? Donc ça, ce sont les 6 points. D'accord ? Que l'adoration soit en accord avec la législation dans sa cause, son origine, son genre, sa quantité ou son nombre, sa façon, sa manière, son temps, son lieu. D'accord, ce sont les 6 points. D'accord, là on aura terminé là. On a pris du temps, barakallahu fikoum. On a terminé donc inchallah et puis on se voit donc la semaine prochaine bi'idhnillah. On va essayer de refaire ça là, la semaine prochaine. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك